La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Douce est la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des... Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, la cité de la musique. L'écoute corporelle de la danse ou les résonances polysensorielles du mouvement. Tel est le titre de l'intervention de Michel Bernard que nous entendrons ce matin, enregistré dans le cadre du cycle de conférences sur l'écoute proposé par la Cité de la Musique. Michel Bernard est philosophe, professeur d'esthétique théâtrale et chorégraphique et fondateur du département danse de l'Université Paris 8. Pour lui, l'expérience de l'écoute ne se réduit pas à la réception auditive du monde sonore environnant, mais constitue un réseau des impressions sensorielles, générateur de fiction, qui enveloppe ce que notre corporéité nous dévoile. Il y a une écoute de la danse silencieuse qui révèle sa musicalité immanente, sa picturalité, sa plasticité, sa théâtralité et sa force d'impulsion et de création motrice, soit son orchésalité. Il va nous expliquer ce concept dans son intervention, mais disons d'emblée que pour lui, la danse est le lieu privilégié de l'écoute. Je cite, « L'expression chorégraphique en elle-même et hors de toute intention présuppose, à l'instar de la voix qui résonne nécessairement pour elle-même, la jouissance insatiable de son acte de production. » Le corps dansant, comme l'a souligné avec raison Paul Valéry, n'a affaire qu'à soi-même et à la terre de laquelle il se détache pour y revenir. On dirait, écrit le poète, qu'il s'écoute et n'écoute que soi. Le mouvement libéré de toute finalité utilitaire ne fait que se répondre à lui-même à travers, précise encore Paul Valéry, les sensations de durée et d'énergie qui forment comme une enceinte de résonance ou, dirais-je, une bulle musicale analogue à l'univers sonore fictif et indéfiniment changeant du rêve. Le titre choisi de cette conférence offre d'entrée de jeu un triple paradoxe. Le premier, le plus évident, est que la danse, croit-on généralement, se voit et s'éprouve, mais elle ne s'écoute pas. Seule la musique qui l'accompagne éventuellement, dit-on, s'écoute. Le second paradoxe, qui découle du précédent et l'amplifie, présente un double volet. Tout d'abord, la danse que l'on pense voir échappe en fait à notre regard même qui tente de la cerner, de la circonscrire et de l'identifier. Elle ne cesse en réalité de disparaître en changeant et en se métamorphosant en figure évanescente, ininterrompue. Ensuite, et corrélativement, elle n'a parfois aucun accompagnement musical. Non seulement la musique est absente, mais elle est volontairement bannie et refusée par le chorégraphe qui laisse la corporéité se déployer, se défaire silencieusement dans une configuration motrice, autosuffisante, libre et ouverte. Enfin, troisième paradoxe, et sans doute le plus difficile à accepter parce qu'il déconcerte et heurte le plus l'opinion commune, tout autant que la danse, qui n'existe jamais par elle-même et n'a qu'une réalité fugitive, la musique est aussi un devenir incessant, dépourvu de statut spécifique. Elle n'est pas une catégorie artistique, une permanente et identifiable. Il n'y a pas la musique, il y a des musiques. C'est un processus créateur, hybride, contingent et singulier. À la limite même, elle pourrait se dissoudre ou se disséminer dans une multiplicité de formes sensorielles, hétérogènes, qui ôteraient à notre audition tout privilège. Bref, qui invaliderait à la fois les concepts mêmes de musique et d'écoute. C'est pour tenter de résoudre ces trois paradoxes que je voudrais maintenant vous proposer quelques réflexions inspirées de la recherche exposée dans mon récent ouvrage de la création chorégraphique et susceptible, selon moi, d'éclairer le champ de cette problématique par une triple mise au point. D'une part, mise au point sur le statut de la sensorialité, ou si vous préférez, sur le fonctionnement de la sensation. D'autre part, mise au point sur l'art, le statut de l'art. Et enfin, sur celui corollaire de la différenciation générique des arts en de multiples arts. En effet, si nous voulons bien comprendre le phénomène de l'écoute, qui est le thème de cette année, il convient tout d'abord de réviser, de rectifier la problématique habituelle de la sensation. Contrairement à l'opinion courante et même à l'approche la plus fréquente des traités et des manuels de psychologie, l'expérience de la sensation ne se réduit pas à l'impression matérielle d'un des cinq organes principaux, à savoir des organes qui sont, si je puis dire, imprimés par des stimuli extérieurs, lumière, son, tact, odeur, saveur. Ainsi, par exemple, entendre. Entendre ne signifie en aucune façon être affecté par la seule vibration de nos tympans sous l'effet d'un bruit environnant. Ni a fortiori l'acte d'écouter ne se limite pas à celui de percevoir la résonance d'un objet sonore au sein de notre champ auditif. En réalité, nos sens ne fonctionnent pas isolément, mais d'une façon solidaire et organique par le jeu d'un entrecroisement permanent, à la fois avec le monde, entre eux, avec l'acte de parler et d'écrire, ce qu'on appelle le processus d'énonciation linguistique, et aussi entrecroisement entre les différents corps, je préfère le terme, comme je l'ai dit dans mon livre, de corporéité. Autrement dit, pour reprendre ici la terminologie de Merleau-Ponty, ils obéissent à un mécanisme correspondant à la figure de rhétorique appelée chiasme. Pourquoi ? Parce que c'est une figure qui correspond au croix de la lettre, la croix de la lettre grecque qui. Et ici, en l'occurrence, on voit bien que la sensation obéit à un quatre chiasmes. Le premier, il est intrasensoriel, c'est-à-dire à l'intérieur même de la sensation. Puisque, en fait, chaque sensation est à la fois active et passive, en même temps que doublement conditionnée par ses dimensions posturales et directionnelles. Au moment où je vous parle, je suis assis Et donc, ma sensation est déterminée par ma manière de gérer ma position assise et en même temps par la manière dont je gère ma sensation en la focalisant au centre ou à la périphérie. Ainsi, dans l'exercice de l'audition, je suis simultanément entendant et entendu. Et dans l'acte de toucher, je suis simultanément touchant, touché, mais toujours selon la double détermination de la force gravitaire qu'il ne faut jamais oublier, qui affecte la totalité de ma corporité dans la posture que j'ai adoptée et aussi dans la direction choisie de mon organe sensoriel, par mon application sensorielle, si vous préférez. Je vais au centre ou je vais à la périphérie. Bref, tout contact sensoriel avec l'environnement naturel et social, et a fortiori avec mon propre organisme, est chargé de ce que j'appellerais d'une bivalence fonctionnelle, en même temps qu'une bipolarité qualitative, actif, passif, central ou périphérique, et cela qui inscrit dans chaque sensation, qui inscrit ce que j'appellerais l'effigie affective, puisque c'est ça nous affecte, l'effigie affective d'une altérité. Nos sensations sont habitées par l'altérité. Le second chiasme, que j'appelle intersensoriel, oh, il est beaucoup plus connu, nous y reviendrons d'ailleurs un peu plus loin, c'est celui de la correspondance croisée des sens entre eux. Ça a été chanté par les poètes et ça a été très largement exploité par les peintres, par les musiciens. La célèbre formule sur laquelle je reviendrai, l'œil écoute de Claudel, et puis cette formule que j'aime bien de Nietzsche, le danseur porte ses oreilles dans ses orteils. Le troisième chiasme, plus radical et plus subtil, que j'appelle parasensoriel, il est en revanche, à ma connaissance en tout cas, la plupart du temps ignoré, méconnu, quoique à mes yeux, le plus fondamental. C'est celui de la connexion étroite et même, si vous me permettez le terme, de l'homologie, c'est-à-dire de la similitude de structure, entre l'acte de sentir et l'acte de dire. Ou, si vous voulez encore, entre le fait de sentir et la parole ou l'écriture. En effet, la sensation fonctionne selon le même mécanisme qui régit le fait de parler ou d'écrire. Lorsque nous parlons ou lorsque nous écrivons, nous émettons et agençons des unités linguistiques, phonétiques dans la parole ou scripturaires dans l'écriture, et nous en faisons des énoncés. Et ces énoncés, nous voulons faire accréditer, en quelque sorte, comme réalité substitut de celui qui parle, je dis « je », « j-e », et quand vous écoutez « je », « j-e », vous croyez que c'est « moi », bon, je donne comme réalité substitut. Deuxième réalité substitut dans tout énoncé, je dis « je lève le bras », c'est-à-dire réalité substitut, mon bras s'est levé, mais le verbe « lever » est la réalité substitut de mon acte. De l'environnement matériel, si je dis « je touche ma montre », par exemple, également des autres, quand j'utilise des compléments, je donne à Pierre, Pierre complément, etc. Bon, et également, je précise l'espace et le temps dans lequel je vis, puisque je dis demain, aujourd'hui, hier, etc., pour le temps, ou ici et ailleurs. Les fameux adverbes qui sont des réalités substituts indiquant l'espace et le temps, et a fortiori, dans mes énoncés, je mets tout ce que je peux imaginer et concevoir. En d'autres termes, quand nous parlons ou écrivons, nous projetons des simulacres crédibles. Ce que les linguistes dénomment curieusement, et on a traduit ça d'une façon qui est discutable, dénomment curieusement le débrayage, pour traduire le verbe anglais « shift out », le fait que nous ne pouvons exister sans nous projeter, comme ça, par l'acte linguistique d'énonciation. Nous simulons, et comme disait très justement Nietzsche, nous simulons nécessairement. Or, ce processus de simulation constitue le moteur de notre sentir. En effet, comme nous le révèle déjà le chiasme intrasensoriel, celui à l'intérieur de la sensation dont je vous ai parlé, chaque catégorie organique de sentir, c'est-à-dire chaque vision, chaque audition, chaque tactilité, chaque gustation ou olfaction, et a fortiori chaque mouvement, n'est jamais simple, homogène et univoque. Elle implique toujours, au contraire, une double face. Et nous l'avons déjà vu dans le chiasme intrasensoriel. Une double face, c'est-à-dire une bipolarité, entre une modalité passive et active, elle-même conditionnée par une double vectorialité de la gravitation et de la direction, de la posture et de la focalisation sensorielle choisie du moment. Chaque événement sensoriel constitue, avant d'être la découverte d'un objet reconnu, parce que la plupart du temps, nous, quand nous disons « je perçois cette bouteille » ou « je perçois ce livre », ce qui nous intéresse dans l'acte de percevoir, c'est l'objet sur lequel il porte. Mais ce n'est pas la partie la plus importante. Chaque événement sensoriel constitue, avant d'être la découverte d'un objet reconnu, identifié, une rencontre. Une rencontre qui est vécu à la fois passivement et activement, verticalement et horizontalement, périphériquement et centralement. Autrement dit, toute appréhension de l'environnement par chacun de nos sens est mue par une sorte de bivalence dont je parlais tout à l'heure, qui dessine au sein de notre corporité une altérité que j'appellerai pathique et active, ou passive et active, statique et dynamique, concentrée et diffuse. Chaque sensation fait surgir en elle une sorte de reflet virtuel, un simulacre d'elle-même, porteur d'une certaine jouissance à l'instar de la résonance immanente de notre propre voix qui nous revient toujours inexorablement. Je suis en train de vous parler et que je le veuille ou non, la voix, elle me revient. Elle me revient, c'est ce qu'on appelle dans le jargon technique le phénomène d'affection audio-vocale, mais elle produit ainsi, en creux ou en abîme, comme on dit au théâtre, une présence gratifiante d'un double, fictif et anonyme, au cœur de ma corporité. Ainsi, pour reprendre un exemple simple, banal, chaque fois que ma main parcourt une surface matérielle, cette table par exemple, ou un corps étranger, cette bouteille, ou ma propre corporité, d'un bras sur l'autre, par une telle exploration, je ne découvre pas simplement une objectivité, je produis et je dessine simultanément l'esquisse en filigrane d'une autre main imaginaire, qui est, elle, ressentie, imposée affectivement et non plus seulement comme donnée cognitive, c'est-à-dire révélatrice d'objets identifiés. En somme, comme on vient de le voir, la sensation fonctionne tout comme le processus de parler et d'écrire, à l'instar du processus linguistique d'énonciation, fonctionne selon un mécanisme pulsionnel de projection, ou selon le terme technique autorisé, donc que je citais tout à l'heure, de débrayage immanent et virtuel d'une entité fictive qui, d'une certaine façon, la redouble, en constitue l'écho affectif ou pathique, tout comme le fait chaque mot de mon discours. J'ouvre ici une parenthèse. L'hypothèse que je soutiens ici n'est pas le produit d'une élucubration philosophique. Il est étayé, cette hypothèse est étayée, par les recherches physiologiques les plus récentes, que vous trouverez exposées dans l'ouvrage d'Alain Berthaus, qui est professeur au Collège de France, sur le problème du travail de la simulation dans le fonctionnement du cerveau sensoriel. Simplement, il prête au concept de simulation une interprétation qui n'est pas rigoureusement la mienne, puisqu'il lui donne qu'une interprétation purement utilitaire et fonctionnelle, alors que je lui prête une toute autre interprétation, comme je le dis, je le précise, dans mon bouquin. Simplement cette parenthèse, je la referme pour indiquer que il ne s'agit pas là de spéculation, mais il s'agit finalement d'analyses qui peuvent être parfaitement corroborées. Or, cette résonance par projection fictionnaire, elle se prolonge, s'amplifie ou se décuple dans et par le quatrième chiasme que je vous ai annoncé, celui qui est provoqué par les jeux sensoriels de correspondance croisée entre les différentes corporéités. C'est pourquoi je l'appelle, dans mon jargon, chiasme intercorporel ou de l'intercorporéité. Comment se manifeste-t-il, ce chiasme ? Ben, il se manifeste par la manière singulière, tout à fait unique, dont chacune de mes sensations se tisse avec celle de mon voisin ou de ma voisine et de l'ensemble des sensations produites par les autres corporités. Ma vision non seulement épouse celle de mon voisin, qui la vise elle-même dans le regard, dans les échanges de regards, mais elle l'habite, la meut et orchestre en elle le réseau du spectre sensoriel qui la constitue. Là, j'ouvrirai aussi une petite parenthèse, c'est ce qui rend le travail pédagogique si difficile dans le domaine de la danse, en particulier, puisque c'est le problème, si vous avez déjà travaillé en atelier de danse, qu'est-ce qui se passe entre l'animateur de l'atelier, ce qu'il montre, ce qu'il dit, comment c'est perçu, et toute le jeu très complexe, le réseau très complexe de relations entre les regards, l'audition, l'écoute, etc. Et c'est un sujet, c'est un thème sur lequel j'ai beaucoup travaillé et nous travaillons beaucoup. Mais c'est pour vous montrer que, contrairement à ce qu'on dit en danse, c'est pour ça que je récuse en danse le terme de transmission, et je dis qu'en danse, nous n'avons affaire qu'à des transductions, c'est-à-dire le fait que ça passe par des détours, et des détours très complexes. Veuillez m'excuser en ce qui concerne cette parenthèse, simplement pour montrer la complexité des choses. Ainsi, comme on peut le constater, la conjugaison de ces quatre chiasmes nous montre que le sentir fonctionne qu'une sorte de chiasme généralisé, un chiasme des chiasmes, ce que j'appelle dans mon jargon un métachiasme, dont le fondement réside précisément dans ce que révèle plus nettement le troisième sur lequel j'ai le plus insisté, à savoir le processus de simulation, le processus commun de simulation ou de projection virtuelle de fiction qui les anime. En effet, si, comme nous le disions, le second chiasme intersensoriel souligne la correspondance croisée de tous les sens entre eux, les fictions qui habitent chacun de ces sens, de tous ces organes, non seulement ils retentissent sur les fictions surgies venant des autres organes, mais ils en modifient la nature ou la modalité pour créer une sorte de méta-fiction, un imaginaire second, ce que j'appelle moi un imaginaire second, qui parcourt et traverse la totalité de notre sentir. Dès lors, c'est clair, d'une manière inattendue et ô combien plus profonde, la célèbre formule que je vous citais tout à l'heure de Claudel, l'œil écoute, qui est au cœur donc de notre réflexion de cet après-midi. Elle ne désigne pas la simple reconnaissance d'une interférence, d'une influence, d'une perturbation ou d'une déviation, que je dirais extrinsèque, de l'exercice de la vision par l'audition. Mais la production au sein même de la sensation visuelle d'un simulacre autre, hybride et singulier, qui est déterminé par le processus imaginaire spécifique de la réception auditive, qui est, comme vous le savez, beaucoup plus diffuse, beaucoup plus évanescente, fugace, beaucoup plus subtile et surtout entièrement temporalisée. Le problème du temps qui habite notre écoute. Investi par cette temporalité auditive, mon regard appréhende l'espace à travers et grâce à un simulacre particulier qui le déconstruit en rompant la continuité spatiale et sa linéarité, en quelque sorte apparente, par le jeu fragile et instable de la discontinuité et de la mobilité du matériau sonore. L'œil est en quelque sorte subverti dans son travail de simulation interne par une oreille virtuelle qui lui impose la nouvelle fiction étrange d'un visible insolite qui est paradoxalement à ouïr. Bref, toutes nos sensations ne se contentent pas de s'entre-répondre ou de résonner les unes sur les autres, mais elles tissent entre elles une texture corporelle, fictive et fluctuante qui habite et double notre corporéité apparente, à l'instar de l'acte d'énonciation, à l'instar de l'acte de parler et de l'acte d'écrire, à l'instar de notre dire. A fortiori, il en est ainsi. Lorsque notre sensation visuelle dévoile et porte sur ce qu'on appelle couramment une danse, c'est-à-dire la prestation, dit-on, d'un art distinct a priori de la musique qui est censé ou non l'accompagner. Mais précisément, compte tenu de notre nouvelle manière d'appréhender et concevoir la sensorialité, que faut-il entendre désormais au juste par art, avant même que je sois autorisé à distinguer la diversité et la spécificité de ces manifestations, d'où la nécessité d'opérer ma deuxième mise au point, que j'annonçais au début, et qui est corollaire de la première. C'est la mise au point sur le statut et la signification du processus artistique. Si, en effet, comme j'ai essayé de vous le montrer précédemment, nos sens fonctionnent non pas isolément, mais d'une façon solidaire et organique, par le jeu d'un entrecroisement permanent, à la fois avec le monde, entre eux, avec l'acte de parler et entre différents corps, rappelons que tout cela s'effectue par le mécanisme fondamental de projection fictionnaire, bien il est évident, si on admet ça, que le travail de l'artiste doit être interprété d'une manière radicalement différente de la conception traditionnelle. Tout art n'est plus l'exploitation plus ou moins novatrice d'un organe sensoriel privilégié, la vue, par exemple, par le peintre, ou l'ouïe, par le musicien, mais bien au contraire, l'artiste est celui qui tente de conjuguer et jouer d'une façon singulière et originale de leur entrecroisement, de leur entrelacs, comme le propose pertinemment un psychanalyste qui m'a beaucoup inspiré et que je cite dans mon livre, le psychanalyste Anton Ehrenzweig, dans son livre « L'ordre caché de l'art », dont la traduction a paru en 1976 chez Gallimard. L'acte de création artistique consiste pour lui à balayer, je reprends son terme, à balayer, ou selon la terminologie, le terme anglo-saxon qui est le sien, opérer un scanning inconscient sur un réseau spectral, en quelque sorte polysensoriel et hybride, de qualité. Il emploie un terme qui va beaucoup plus loin et que j'emploie de plus en plus maintenant dans mon travail sur la danse, dans un réseau de qualia sensibles, d'origines diverses, qui sont analogues aux franges chromatiques qui composent le spectre de l'arc-en-ciel ou, dans la réfraction, dans un prisme. Ces fameuses franges qui font que ce qui nous apparaît comme une lumière blanche est en réalité tout ce jeu de franges impliquées dans une vision, notre vision superficielle. Contrairement à la perception commune et quotidienne de chacun d'entre nous qui se limite à une appréhension, on peut dire consciente et superficielle, de notre environnement pour se focaliser et par la choisir, extraire la seule structure qui est utile dans le moment en vue de s'y adapter, le fait que je veuille en quelque sorte prendre la bouteille et en vue de boire, et il y a là uniquement, c'est une sensation en quelque sorte qui est téléguidée sur l'objet, mais qui perd en quelque sorte son poids de sensorialité. Eh bien, contrairement à ça, l'artiste, lui, il se livre, il s'abandonne à une approche plus profonde et inconsciente qui conjoint, c'est le terme qu'emploie Ehrenzweig, qui conjoint et parcourt la totalité du champ de la sensorialité, il en transgresse les frontières apparentes, il l'ouvre ainsi à une multitude de choix avec lesquels il peut jouer en imaginant ses propres règles et dont il est le seul maître. Autrement dit, le travail artistique est essentiellement nomade et ludique. Il appelle ce que Michel Dufresne, avec qui j'ai eu le plaisir, le privilège de travailler autrefois à l'université de Nanterre, ce que Michel Dufresne dénomme finement une esthétique sans entrave. Mais alors, si le processus de création est un tel voyage indéfini, un tel jeu illimité, comment expliquer qu'il revêt des formes apparemment disjointes et hétérogènes, qui se concrétisent dans des entités institutionnelles plurielles, séparées et souveraines, comme autant d'art autonome. Ainsi suis-je amené à effectuer la troisième mise au point annoncée plus haut, celle sur la différenciation ou la pluralisation des arts. En fait, dans mon hypothèse, ce qui différencie ou distingue chaque art, chaque genre d'activité artistique, réside dans la modulation choisie de ce réseau spectral, de cette chaîne, de ce tissu de matérialité sensorielle et pulsionnelle par laquelle l'artiste privilégie telle ou telle composante, favorise tel ou tel agencement et détermine par là même ce que j'appelle dans mon jargon des tonalités esthétiques spécifiques correspondant à l'organe sensoriel pris comme épicentre, en quelque sorte. Ainsi, on peut distinguer 7 tonalités fondamentales. Les deux premières, apparemment, à dominante spatiale, sont très connues. La picturalité, en tant que relative à l'appréhension visuelle des formes colorées. D'autre part, la plasticité, définie par rapport à l'usage de la perception tactile, de leur distribution et du modelé des volumes, pour parler comme Rodin. Et puis, il y a aussi deux autres tonalités, peu s'y intéressent, moi je me suis intéressé, j'avais fait un cours autrefois là-dessus, deux autres tonalités qui résultent plus directement du statut hybride et étrange de deux sens qualifiés généralement d'archaïques que sont l'odorat et le goût, à savoir ce que j'appelle comme tonalité la fragrance et la saveur, sources respectives de deux arts, l'art des parfums et l'art culinaire. Enfin, les trois dernières tonalités, elles, sont plutôt de nature temporelle. D'abord, la théâtralité, qui, comme je l'ai longuement expliqué dans mon livre « L'expressivité du corps, recherche sur les fondements de la théâtralité », et puis je l'ai expliqué également dans d'autres articles, découle de la structure ambivalente, paradoxale, de la corporéité humaine. Toute corporéité est travaillée, déchirée par une double pulsion contradictoire et qui permet le désir de théâtre. C'est son désir, d'une part, de dire, donc de se dualiser dans le dire, de pouvoir simuler son être par un processus de dualisation fictionnaire. Et simultanément, en même temps, il y a une sorte de vœu profond, nostalgique, permanent, d'être un, d'avoir une identité. Et tout le théâtre, toute la théâtralité qui donne naissance au théâtre, repose sur ce paradoxe. Plus radicalement encore, sous-jacente à cette tonalité et la fondant, deux autres qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui, à savoir la musicalité, d'une part, qui, même si elle paraît s'inscrire en priorité dans l'univers sonore et dérivé du seul sens auditif, déborde très largement l'audition et émane du mécanisme producteur de la temporalité, c'est-à-dire, pour être plus précis, il émane de la scansion, de la répétition et de la différence des instants qui constituent notre durée. Toute la musicalité repose sur ce mécanisme. D'autre part, et corrélativement, septième et dernière tonalité, c'est la tonalité que j'ai appelée, bon, certains peuvent me le reprocher, j'ai dû employer un terme parce que ça n'existe pas, il n'y avait pas de terme dans la langue française, ce que j'ai appelé l'orchésalité. L'orchésalité, qu'est-ce que c'est que l'orchésalité? L'idée dérivée du grec orchésis, c'est la danse, l'orchésis. en grec, c'est-à-dire c'est la modulation spécifique, proprioceptive et visible, de l'exploration, de l'exploitation motrice de la musicalité foncière de notre corps. J'ouvre une parenthèse ici. Je me suis inspiré, bien entendu, en inventant ce terme d'orchésalité, qui est beaucoup plus beau à mes yeux que celui de dansalité. Je me suis inspiré du titre du livre de Toineau Arbaud, qui a paru à la fin du XVIe siècle, et qui s'intitule « L'orchésographie ». L'orchésographie, et il a mis en sous-titre quelque chose qui peut faire sourire maintenant, rétrospectivement. Je cite Toineau Arbaud, « Petit traité en forme de dialogue par lequel toute personne, au pluriel, peuvent facilement apprendre et pratiquer l'honnête exercice des danses. » Et c'est un ouvrage qui est remarquable, enfin, qui constitue un document très très important dans l'histoire de la danse. Donc, simplement pour vous dire que, en inventant le terme, ce néologisme, je ne suis pas tellement favorable à l'invention exacerbée des néologismes, j'ai un prédécesseur, à mon avis, qui m'autorise. Et je ferme la parenthèse. En fait, comme j'ai essayé de le montrer dans mon livre de la création chorégraphique, notre corporéité a deux possibilités de se faire musicale, de se musicaliser, en même temps de se métamorphoser en mouvement dansé, donc de faire jaillir son orchésalité. La première réside dans la seule nature de sa modulation kinétique et par conséquent énergétique, et conjointement également dans son rapport avec les autres corps, avec les autres objets. Il y a une musicalité intrinsèque à mon corps et il y a une musicalité extrinsèque à mon corps qui dépend des relations avec les autres. Ce qui fait que je peux très bien musicaliser mon corps sur une scène uniquement, sans aucun paramètre sonore, uniquement avec des jeux de relations avec les autres corps, avec les autres objets, ou avec une modulation de ma corporité en travaillant sur le haut, en travaillant sur le bas, sur l'avant, sur l'arrière, sur la gauche ou sur la droite. Donc il y a de multiples facteurs pour expliciter cette double musicalité du corps. Or, précisément, ces deux formes de musicalité corporelle peuvent non seulement se combiner, s'harmoniser plus ou moins avec des compositions musicales qu'on pourra dire live ou enregistrées, mais elles font naître et surgir une modulation nouvelle et spécifique de notre corporité qui est justement cette fameuse orchésalité. Cette tonalité que j'appelle l'orchésalité, vous me direz, mais en quoi ça consiste réellement? Ben, il y a quatre traits particuliers. Tout d'abord, c'est celui de manifester une sorte de dynamique de métamorphose indéfinie. C'est une sorte d'ivresse du mouvement pour son propre changement. Deuxième caractère, c'est celui de se livrer à un jeu de construction, un jeu aléatoire de construction et destruction tout mouvement, ou selon l'expression que j'aime bien de Simone Fortin, chorégraphe américaine, de tissage et détissage de la temporalité. Troisième caractère de ce que j'appelle danse, c'est entretenir une sorte de dialogue incessant, conflictuel, avec la gravitation. Je ruse avec la gravitation. Tout danseur ruse et nargue un peu la gravitation. Et enfin, quatrième caractère propre à la danse, c'est certainement le caractère le plus intéressant, c'est la pulsion auto-affective. Qu'est-ce que c'est que la pulsion auto-affective ou auto-réflexive? Ben, c'est le fait de la corporité qui désire revenir sur elle-même, à elle-même, comme la voix vous revient, comme votre propre voix vous revient et constitue le cœur de tout fonctionnement expressif. En somme, l'orchésalité, telle que je viens de la caractériser à l'aide de ces quatre traits principaux, se nourrit de la musicalité qui émane de notre seule corporité dans son fonctionnement et dans son rapport aux autres, et le transmute. Et transmute cette musicalité, l'orchésalité, c'est la résonance dynamique et la transmutation visible du flux aléatoire de notre musicalité corporelle. Ainsi, après la triple mise au point que je viens d'effectuer concernant successivement le fonctionnement de notre sentir, le processus artistique et son mode de différenciation à partir des 7 tonalités fondamentales, on voit la signification du terme « l'écoute corporelle de la danse » qui fait le titre de mon propos d'aujourd'hui. D'une part, comme j'ai essayé de vous le montrer, le concept et l'expérience de l'écoute corporelle non seulement débordent le seul champ auditif, mobilisent et jouent avec la totalité hétérogène du tissu sensoriel, mais d'autre part, on voit corrélativement le mouvement effectué par le danseur ou la danseuse n'est plus une simple apparition fugace et silencieuse, une figure éphémère, énigmatique, qui appellerait un accompagnement musical extérieur, mais on voit, c'est une modulation kinétique singulière d'un tissu multisensoriel et fictionnaire constitutif de notre corporéité dansante. Plus particulièrement, elle dévoile en même temps toutes les autres tonalités, les 6 autres tonalités, puisqu'elle dévoile en même temps cette orchésalité, elle dévoile la puissance picturale de la forme imagée, son architecture plastique de volume, sa dynamique théâtrale en tant que structure ambivalente, et surtout sa double musicalité extrinsèque et intrinsèque. Ainsi, autrement dit, l'intercorporéité se tisse entre le danseur et le spectateur, le conduit à répercuter, partager les échos d'une même gamme polysensorielle qui anime la corporéité du premier en révélant au second la diversité et la richesse des dimensions artistiques. En ce sens, l'écoute corporelle de la danse ne désigne pas selon moi une simple empathie physique comme semble le croire le compositeur et musicien américain Joseph Turnaden, qui s'est inspiré de Bonnie Bainbridge et qui fait des ateliers à Amsterdam sur la manière dont l'écoute physique de la musique provoque en quelque sorte des mouvements particuliers. Je n'ai pas le temps ici de développer cette partie-là, mais ainsi comme on le voit, et ce sera là ma conclusion, au terme de ce parcours et de cette réflexion, que certains pourront, non sans raison, juger relativement malaisés ou arides, et je leur demande de bien vouloir m'en excuser, je suis prêt à leur promettre de m'efforcer de répondre à toutes leurs questions hors de cette enceinte, la danse m'apparaît, paradoxalement, comme le révélateur le plus pertinent et le plus subtil de la richesse, de la diversité, de la profondeur de l'expérience corporelle de l'écoute. Celui qui, aux yeux et à l'oreille d'un musicien, en découvre et restitue en quelque sorte toutes les harmoniques. C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, la cité de la musique avec Michel Bernard, philosophe. Présentation, Christine Goémé. Réalisation, Dominique Briffaut. Thank you.